Quand on apprend à se connaître et que nos êtres se connectent, ça me possède tout entier. Ta présence me rassure et me fait tellement de bien. Ensemble on guérit nos blessures, mais la seule chose dont je suis sûr, c'est qu'on n'est sûr de rien. Nos fondations sont solides, je dirais presque intouchables. Mais attention aux cœurs avides, en manque d'attention, peur du vide qui viendront manger à notre table. On joue parfois avec le feu, comme si c'était nécessaire. Pour que les flammes touchent les cieux, garder la joie dans nos yeux, il faut savoir mettre de l'air. Notre avenir est incertain, quand on allume un feu, un jour il s'éteint. Notre avenir est incertain, mais qu'est-ce que j'aime quand mon sourire devient le tien. Notre avenir est incertain, même si j'ai confiance en notre destin. Notre avenir est incertain, mais qu'est-ce que j'aime quand ton sourire devient le mien. Ce beau royaume que l'on a bâti, après tant d'années à construire, de le voir en ruine, cette peur m'anéantit. Mais je sais bien que c'est le jeu et que je ne m'arrêterai pas. De mettre du bois dans le feu, garder la foi en nous deux tant que mon cœur le voudra. Aimer ce n'est pas posséder, c'est l'ego qui domine très souvent. Tu sais, j'en ai passé des journées à me torturer, l'esprit en supposant. Avec toi je grandis et je dépasse mes limites. Je remercie la vie, quand on aime on m'a dit, il ne faut pas prendre fuite. Notre avenir est incertain, quand on allume un feu, un jour il s'éteint. Notre avenir est incertain, mais qu'est-ce que j'aime quand mon sourire devient le tien. Notre avenir est incertain, même si j'ai confiance en notre destin. Notre avenir est incertain, mais qu'est-ce que j'aime quand ton sourire.